quand c'est l'heure, c'est l'heure. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 628. Nous sommes le 26 février 2025, un jour après l'anniversaire de George Harrison qui aurait eu 82 ans cette année déjà. Bon anniversaire à lui, je ne sais pas comment on peut le dire, on célèbre l'anniversaire de sa naissance, mais plus son anniversaire à lui forcément, puisqu'il est parti à 59 ans, c'est jeune 59. Bon, l'album de la semaine, ce sera Egypt Station de Paul McCartney en 2018. C'est le dernier album de la décennie en tant que chef-d'œuvre pour l'instant. Et il reste encore les années 2020. Espérons qu'entre 2020 et 2030, il aura l'occasion de nous pondre encore un chef-d'œuvre. On le souhaite. Voilà. L'album de la semaine, donc, on aura I Don't Know, Come On To Me, Happy With You, People Who Want Peace, For You et Do It Now. Vous le savez, quand il s'agit de Paul McCartney, il y en aura peut-être un peu plus. Bon, il y aura aussi du Lennon, du Harrison et du Ringo Starr, et des Beatles aussi. Pour Lennon, ce sera Do The Oz, parce qu'il a fait de mieux. C'est un 45 tours sorti en 71, face B de God Save Oz, et c'est Do The Oz, vous allez entendre, bon, c'est histoire de... Le riff est sympa, voilà, le riff est sympa, bon. Par contre, là, chef-d'œuvre, George Harrison, ce sera Isn't It a Pity sur All Things Must Pass. Puis Ringo Starr nous chantera Oh My Mind sur l'album Ringo en 1973. Quant aux Beatles, on commencera franchement par ceux dont on a le plus besoin en ce moment, tout le monde. All You Need Is Love. Voilà. Pour le reste, je vous propose de nous retrouver sur le groupe Facebook de l'émission, le groupe La Saga des Fab Four. Et on est ensemble jusqu'à 22h à peu près pour la joie, la bonne humeur, etc., etc., etc. Et la particularité de cet album de la semaine, parce que je l'ai dans mes affaires à moi, c'est que c'est Paul McCartney lui-même qui va vous expliquer ce qu'il y a à savoir sur les chansons. Je vous propose à la suite une explication de Opening Station et de I Don't Know, racontée par Paul McCartney. Bonne soirée à vous toutes et tous. Paul, c'est à toi. When we decided we were going to call the album Egypt Station, I liked the idea of making a montage of sounds that were sort of like a station. So we found one station and then we added another one to it, the sound effects of real stations. And then we started to make up some little noises that we added to make it like a dreamscape. So the idea being that this kind of dream location was where all this music was going to emanate from. I don't know. I wrote this after going through a difficult period, like people have, nothing sort of madly serious or anything, but just one of those days when it's like, oh my God, what am I doing wrong here, you know? And sometimes that's a good way to write a song because you're coming from your soul. And we often used to say that writing a song was like talking to a psychiatrist, a therapist or something, because you're saying it, but you're saying it in a song and rather in a room to a specialist. Yeah, so it was me just thinking this problem out and putting it into a song. Alors, Paul McCartney dit que Opening Station, il en a eu l'idée quand il a décidé que l'album s'appellerait Egypt Station. Ça lui a donné l'idée de, on est dans un voyage, dans une station, dans un truc de train, une gare de train, voilà. Et pour I Don't Know, il a dit, c'est un peu comme faire être chez un psychiatre quand on écrit des chansons. On peut permettre de sortir des choses qu'on a en soi, les mettre sur papier en chanson, et c'est très très agréable. Thank you.

je dis de temps à autre, John Lennon n'a pas toujours été génial. En fait, ce que j'aime dans cette chanson, et la seule chose, je crois, que j'aime dans cette chanson, c'est les tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin, voilà, le riff. Le riff qui est répété, répété, répété, mais c'est sympa. Voici une autre chanson, mais elle, vous allez marquer sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, vous allez marquer « Premier chef-d'œuvre », oui. Isn't it a pity, sur RG 90.7, le mercredi soir, c'est vraiment la radio des Beatles. Dans son bouquin « I'm in Mind », sorti en 1980, George Harrison dit « Isn't it a pity ?» Ça concerne, c'est au moment où une relation atteint le point le plus bas. Au lieu de faire ce que les autres font, comme casser la mâchoire de l'autre, j'ai écrit une chanson. C'était une chance, j'avais pu me rendre compte que quelqu'un m'avait laissé tomber. Alors il y a de fortes chances que moi je laisse tomber aussi quelqu'un d'autre. Nous avons tous tendance à nous briser le cœur, à prendre et à ne pas redonner. Est-ce que ce n'est pas dommage ? Voilà le thème de la chanson. Et c'est une très très belle chanson signée George Harrison. Yes. Oh my my. C'est Ringo Starr sur la régie. My wrist started shaking.

probably in the 60s, going to a party and seeing someone and thinking, oh, no, okay, how do I make an approach here? So it's a sort of, it's an imaginary song, it's a fantasy song about a guy seeing someone and thinking, oh, we should try and find a place to be alone here and maybe exchange information and stuff. And, hey, you look like you flashed a smile and said to me you wanted so much more than casual conversation. So will you come on to me or am I going to come on to you? Tout à l'heure, Paul McCartney a dit « Pour cette chanson, je me suis imaginé dans les années 60 en train de me rendre à une soirée et j'ai trouvé une belle fille et je me suis dit « Comment est-ce que je peux faire pour l'aborder et qu'est-ce qu'on peut faire pour se voir un peu plus ?» Voilà, c'est le

I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Beatles toujours prêt à innover avec au milieu de la chanson, en pont, un morceau qui ressemblait à, je crois que c'est du clavecin, qu'on appelle ça les vieux pianos. En fait, c'est un piano que George Martin a enregistré, un petit morceau de piano, mais il a accéléré la bande de façon à ce que le son devienne plus quelque chose comme le son du clavecin. Ça donne très très bien dans la chanson, c'était une originalité et c'est très très bien. Merci les Beatles, merci George Martin également. La chanson suivante, c'est un deuxième groupe pour George Harrison. Et ce groupe-là n'avait pas d'ego. Enfin, si, en fait, quelque part. Tous avaient réussi, tous étaient plus ou moins des légendes. Puisqu'on parle de George Harrison, on parle de Jeff Lynne, on parle de Bob Dylan. D'ailleurs, j'ai vu le film, hein, au fait, un gars comme... Nobody, je sais plus quand même. Quelqu'un d'inconnu, un inconnu parfait, un parfait inconnu. Voilà, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Je vous conseille d'aller le voir si vous aimez Dylan parce que c'est vraiment très, très, très, très bien fait. Bon, Bob Dylan, il reste deux. Il reste Tom Petty et Roy Orbison. Voilà. Je vous propose deux chansons des Traveling Wilburys. C'est pour faire plaisir à Faye. Oh là là, j'ai oublié son nom vite. J'essaie de me dépêcher. Une anglaise, hein, Faye Tunnicliffe, voilà, en Angleterre. Voici les Traveling Wilburys pour elle et pour vous également sur RUG.

Alors ça, c'est moi qui le rajoute. Peut-être sa petite période au début des années 70, quand il a décidé de quitter les Beatles et quand il est parti un petit peu dans l'alcool parce qu'il se sentait mal, forcément. Et donc, il insiste sur le fait occupé à ne rien faire. Et la chanson est venue à la suite, le riff, etc. Et j'aime beaucoup cette chanson. Il dit, voilà, je suis content d'être avec toi. Et avant, j'étais j'avais l'habitude d'être un petit peu bourré. Oui. Enfin, bourré même dans tous les sens, même par rapport peut-être à, vous savez, la fumée, etc. Quoi, des trucs comme ça, stoned. Mais c'est une belle chanson. Et c'est sur l'album Egypt Station par Paul McCartney en 2018. Let's go. Chanson qui date de 1969 et qui prouvait, s'il en était besoin, que George Harrison était arrivé au niveau de John et de Paul pour la qualité des chansons Something et Old Brown Shoe. Quelle ligne de basse sur Old Brown Shoe! Oh là là, j'adore, franchement. Bon, deux Beatles pour que Rook puisse aller boire une bonne tasse de café. Non, deux Beatles, de John Lennon, pardon. C'est It's So Hard et Mid-City, le premier extrait de Imagine, le deuxième extrait de Mind Games. Et c'est sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. You gotta love, chair to see for myself. Well, I've been the mountain to see for myself. Well, I'm going to China to see for myself. Ah, on l'entend pas. Je vous dis la fin parce que je m'en souviens très bien. Il dit qui est ça? Qui est-ce? Et pourquoi est-ce qu'ils font ces trucs étranges? Why are they doing those strange things? Voilà. Dans à peine une heure, même moins que ça, ce sera Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. Il vous propose aujourd'hui À la vie, à la mort, ce sera entre vous et lui. En tout cas, ce sera l'album de la semaine, ce mercredi, sur RIG, bien entendu, dès 22h à peu près, et avec des extraits TV de l'année 2002 et du making-of de l'album. Il compte sur vous, et moi je compte sur vous pour l'écouter également. Maintenant, Paul nous parle de la chanson suivante, la chanson qui est « People Want Peace ». Et c'est sur RIG. We'd played a gig in Israel quite a few years ago. And I wanted to go to Palestine before I went to Israel because I was very aware of the political situation there. So I didn't want to just look like I was ignoring Palestine playing in Israel, although that was where the date was, the gig. So I made arrangements to go into Palestine, across the border, and go to a little music school and shake hands with the kids and hang out and listen to them playing some music, just to show solidarity with the Palestinian people. And then when I came back into Israel, I then met with some cool people from a group called One Voice, a political group kind of thing, a movement. And we ended up wearing their badges on our show in Tel Aviv. So the whole idea was a peace mission, really, because these kids were great. I mean, I say kids, they're kind of young adults. And I'd say to them, what is it? What do you want to do? You know, they say, all we want to do is just live in peace, raise our families, you know, and be able to just get on with our lives in peace. And so that tied in with something that when I was a kid, I'd asked my dad and said, you know, we were seeing all the wars and stuff on the newspapers, on TV and stuff. I'd said to him, what is it? You know, do people want peace or do they just like to fight? And he sort of looked at me very quietly and he said, no, son, people want peace. It's the politicians and the Paul McCartney avait fait un concert en Israël et il avait voulu passer par la Palestine avant pour bien dire que il n'était pas dans le conflit, mais il était plutôt pour la paix. Il est allé dans une école voir des gens et ils ont parlé musique, etc. Et les gens lui ont dit nous, ce qu'on veut, c'est élever nos enfants, etc. On veut la paix. Et il se rappelle que son père lui avait dit mais les gens veulent la paix, ce sont les politiciens qui veulent la guerre. With some trepidation, I crave your attention, but I'm not gonna let anything get in my way. Don't The message is simple, it's straight from my heart, and I know that you've heard it before. But what does it matter? We're in it together, and I'm not quitting while people are crying for more. People want peace. People want peace. A simple release from their suffering. People want peace. On a fait quelque chose de différent par rapport à l'habitude. En principe, c'est le moment de la cover. Là, on va faire un moment de participation de Paul McCartney à un album. Lorsque les Rolling Stones ont voulu sortir enfin un nouvel album en 2023, l'album s'appelle Acne Diamonds, ils ont demandé la participation de Paul McCartney pour la basse sur un titre, c'est Bite My Head Off. Et le plus amusant, est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est pour rire, ou est-ce que c'est vrai, il faudrait le demander à Mick, puisqu'il parle le français. Mick aurait dit, je mets ça au conditionnel, aurait dit, est-ce que Paul McCartney va tenir le rythme parce que c'est une chanson relativement up-tempo? Mais bien sûr qu'il a tenu le rythme. Voici la chanson juste pour le plaisir, pour donner un petit coup de main à ce petit groupe qui s'appelle les Rolling Stones. Started to stop thinking. The whole fucking ship is sailing. Sometimes songs just come to you sort of late at night, and I've got a piano at home, and in actual fact, this particular piano happens to be my dad's old piano, so it's special to me. And I was sitting there one night, and I just started to find these chords that are the beginning of Hand in Hand. And it's basically a love song. And as I wrote it, I was imagining me and Nancy about to go through life hand in hand. It was written early stage of our relationship. And then I started to think, yeah, well, this is a lot of people. You know, there are millions of people in that situation where they've got someone they love and they want to go through life hand in hand and to be a partnership of some kind. And it was nice, actually, when we recorded it, we had two lady cellists. That's all there is on there beside the band. And it was very sweet because at the end of it, we liked what they'd done. We said, that's great, thank you. And one of them sort of said, oh, you know what? I'm getting married for the second time and I'm a little bit nervous. He said, but this song has made me think it's going to work out all right. So I thought, that's it. You know, that's a reason right there for writing that song. Cette chanson est particulière pour Paul parce qu'il l'a écrite sur le piano de son père à Paul. Et c'était une nuit, il a trouvé les accords comme ça assez rapidement. Et puis il a pensé à sa relation, au moins au début, avec Nancy. Et il dit tout ce qu'on veut dans ces moments-là, c'est marcher main dans la main et puis avoir un futur plutôt très bien. C'est ce que tout le monde veut a priori, c'est ce qu'il s'est dit. Et au moment de l'enregistrement, il y a eu deux violoncellistes, je crois que c'est ça, des filles qui étaient au moment de l'enregistrement. Il y en a une des deux qui a dit « Je vais me marier pour la deuxième fois » et la chanson m'a vraiment touché parce que je me dis que c'est ça que je veux, marcher main dans la main avec mon futur époux et tout ça. Et donc, Paul McCartney a dit « Ouais, c'est ça, c'est pour ça que les écrivains, les auteurs de chansons écrivent des chansons ». Pour combler le maximum de monde. Non seulement ils peuvent parler d'eux, mais ils parlent à tout le monde, surtout Paul McCartney. John Lennon. Lennon avec Number 9 Dream, extrait de Walls and Bridges. C'était en 1974 et c'est sur RIG 90.7. Kawa, poussez, poussez, vous m'en direz d'autres, hein, bien évidemment. C'était John Lennon à l'instant. Et pour la chanson suivante, je vais vous prouver que RIG, c'est vraiment une radio locale, tout près de Bordeaux, puisqu'on est à Blanquefort. Et je mets au défi le fils de Yann, Victor, d'aller me chercher, avant la fin de la chanson, la pochette de l'album dont est issue cette chanson. La chanson de Ringo Starr qui est sortie en 2024. Je lui donne une petite aide. Voilà. Ça s'appelle February Boy sur RIG. Allez Victor, où est cet album ? Dans la collection de ton père. The sounds of devastation rumble through my REMs. It made its way into my veins. Hard to say what happens next. Gonna stand up, rise above the rain. Start a revolution. Find the missing pieces that are vacant to the eye. Had enough of February skies. Beautiful is this wasteland. Laissez Paul McCartney nous présenter la future chanson qui est For You. Et je vous signale pour rigoler que je pensais au départ que For You, il disait quelque chose comme F-U-C-K, You. Oui, je ne le prononce pas parce qu'on n'a pas le droit de le dire à la radio, ce genre de truc-là. Et non, c'était For You. For You. Certain songs you kind of written in advance of your recording sessions, and then certain other songs you make up in the studio and you're just thinking of ideas as you go along. So with this one, I was in the studio with Ryan Tedder, whereas the rest of the album has been made with Greg Kirsten. But for this one, we were just thinking of ideas and little pieces of melody and chords, and the song just came together bit by bit. And then I would try and make some sort of sense of the story. So it was like, come on, baby, now. Come on, baby, now. Talk about yourself. Try and tell the truth. Let me get to know you. And basically, I want to know how you feel. You make me want to go out and steal. I just want it for you. So that was the basic idea. And it developed from there. That's sort of a love song, but a raunchy love song. Here you go. For you. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Help me work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanted. De 30 minutes, puisqu'il est 21h34, ce sera Eric et Johnny de A à Z, et ce sera à la vie, à la mort, entre vous et lui. Station 2 is a continuation of the opening soundscape that takes us back to the station. It's an imaginary station. And you know, I like the idea that it's a train station, or it's a radio station. It's just some imaginary place, so we had fun just making up a soundscape. And then at the end of it, we thought, well, it'd be a nice idea to vaguely, in this big station, hear someone plugging in a guitar, like as a busker coming to play some songs and earn some money. So you hear him plug in, and he plays a riff. It was the beginning of one of our songs called Hunt You Down. So he plays a dun dun dun dun dun dun dun dun. And then it gradually gets louder until it becomes the real song. And that's a three-part song, which goes from this sort of rocker, Hunt You Down, and the words are, oh, I can't find my love, no matter how hard I try. You know, it's giving me the runaround. It's kind of like blues complaining lyrics. Yeah, my woman done hurt me. I can't find my love. You know, it's that kind of thing. So I'm having fun with that and doing this rock and roll piece, and that became Hunt You Down. And then it goes through into another song called Naked, and again it links through because there's like a tempo change at the end of Hunt You Down. It goes from 4-4 into 3-4 and goes into this other song, which is a very simple song that I'd recorded pretty much on my own. It's a simple song

savez, le lapin de Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles qui dit « Oh là là, je suis en retard, en retard, en retard !» Alors vite, vite, on se dépêche. Un dernier extrait, le dernier extrait de l'album de la semaine, c'est Do It Now et Paul en parle. Do It Now is an expression my dad used to say. It's funny, you know, as you get older, you remember things that your parents or maybe teachers or friends said. And if there's a catchphrase,

when she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lessons we learned, I'm over here. Ringo, Time on My Hands, extrait de son nouvel album Look Up. Voici encore Ringo pour finir l'émission. Rewind Forward, c'était en 2023. What's your name? Where are you going to? What's your game? Shadows are showing through. How can I try to convince you that love and peace and kindness can change your world? Every day there's a new sun rising, rising up into the night. And every day there's a new looking for truth. Everything matters. We gotta stay with it the best that we can. Right now, this is my truth. I'm telling you, man. Mountain to climb. Vite, je vous laisse dans les mains chaudes et la voix suave de Eric pour Johnny de A à Z. Merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour d'autres aventures. À très bientôt. Salut, ciao. Merci d'être là.